Tenio. Ouais, gars. C'est ça, gars. 9-4-91, le son qui met la pression. Garçon, c'est le remix Brut et Ciseaux. Mister Cisailleur, Mister Cichaud. Le son qui met la pression. Garçon, Black Brut et Mister Ciseaux. C'est Brut et Ciseaux. Corbeil, Créteil City. Ouais, gars, c'est ça, gars. Check, Roots. Yeah. Ouais, gars. J'suis en mode back to roots comme à l'époque de lunatique. Demanda Black Brut déchiré, tel est mon tic. Ouais, ma tic tac est tip top, petit tap le hip hop comme WAM. Pourtant, j'ai pas vécu l'époque illématique. Pote, écoute la zik, reconnais le classique. Zinc, si tu raves, c'est normal, c'était le principe. J'mets la pression comme B2O, je présente. Dans tes oreilles, y'a un peu de sang, car le texte est plaisant. Dangereuse combinaison, Razakin, si le rap c'est pas du level, ouais, gars, tu sais, c'est grâce à qui, gros, c'est kiffant. Mister C au microphone, c'est violent. 94 hardcore pour le game, c'est affolant. J'vais te dire, j'ai la rage d'un descendant d'esclaves. J'pine l'instru comme un taleux sorti de tôle. Et les majors ferment les yeuses. J'ramène la sorcellerie du sous-sol. Baisse la SSL et ce salement. Le son qui met la pression. Ferme ta gueule, c'est moi qui pose des questions, hein. C'est nous les maîtres ici, putain si. C'est Black Brut et le 9-4 de Mister C. Le son qui met la pression. Ferme ta gueule, c'est moi qui pose des questions, hein. C'est nous les maîtres ici, putain si. Hein, Belek à tes tympans, l'ami. Mister C, Black Brut, on collabore. Enfin, c'est vrai que du temps, on en a mis. Le son qui met la pression. Pendant que vous roulez des joints, je roule des R et des mécaniques. Le son qui tape la démarche. Comme sa planète, le rap tourne en rond. Mon inspi provient de Mars. Ne me compare pas à tout ce qui se fait de nos jours. Je fais la queue, j'attends mon tour sans sucer le zboum. Sponsorisé par Bruno. Le rap n'est pas mort, mais ils nagent la tête sous l'eau. Je n'ai rien contre eux, tu me diras, ils se font leur peur. Mais sachez qu'aucun de vos MC ne me fait peur. ISF Industrie, des Bambara, des Bantous. Ils ne peuvent imiter, même pas Nicolas Canteloup. Big up à l'ancienne école, celle de lunatique. Et je fuck les rappeurs à la laine qui pue la bite. Le son qui met la pression. Ferme ta gueule, c'est moi qui pose des questions, hein. C'est nous les maîtres ici, putain si. C'est Black Brut et le 9-4 de Mister C. Le son qui met la pression. Ferme ta gueule, c'est moi qui pose des questions, hein. C'est nous les maîtres ici, putain si. Check. J'ai les faces qui vous étouffent, même la basse tous. Et si ça tue, c'est que de ma bouche sort de la bastos. J'suis lyriciste, j'ai plus de plumes qu'un aigle. Les autres sont bling bling, ont plus de chaînes qu'un nègre. Et je pèse mes mots, baise les mots, BMC à l'aise. Et le vrai move aime ça. Choisis, j'te ken ou j'te ken, Brut décision. C'est le son qui met la pression, Brut décision. Hey, ça t'intrigue, hein. Tu te demandes qui suis-je. Je viens de faire péter les plombs comme This Is. Je veux pas passer ma life à te balancer de belles phrases. Album bientôt dans les packs, va laisser une belle trace. Tout ce que j'entreprends, j'essaie de bien le faire. J'ai ça dans le sang, je dois tenir ça de mon père. Je dédicacerai toujours cru quoi qu'il en soit. Dieu seul sait ce qui nous lie en moi, il a toujours eu foi. Le son qui met la pression. Ferme ta gueule, c'est moi qui pose des questions, hein. C'est nous les maîtres ici, putain si. C'est Black Brut et le 9-4 de Mister C. Le son qui met la pression. Ferme ta gueule, c'est moi qui pose des questions, hein. C'est nous les maîtres ici, putain si.